Mettre au rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après Difool. Il est là avec nous. On l'attendait depuis un moment, depuis la sortie de son projet il y a quelques semaines de cela. Monsieur Nino, comment va? Ça va, tranquille, on est là. En pleine forme? Ouais. Mais j'ai l'impression que tu cours partout, toi, qu'il faut t'attraper en ce moment là. Ça court. De donner la bonne promo qu'il faut. Le projet s'appelle Mills. Ouais. C'est bien ça. Pour MILS, pour. Que tu traduis, toi, MILS. Maintenant, ils le savent. Maintenant, ils le savent. C'est le projet qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Ouais. Nino, si on devait faire un petit point sur ta carrière, un petit CV express, rappelle-nous d'où tu viens, ce que tu as fait, où tu vas. Moi, c'est. T'as vu, ça vient du 9-1 hier. Ouais. On a grandi là-bas jusqu'à mes 15 ans. Et après, j'ai déménagé dans le 77, à Nemours. Et où je suis encore actuellement. Donc, je suis toujours entre le 9-1 et le 7-7. Et on est là, on tient la barque. Tu tiens la barque, c'est l'histoire aussi d'un jeune de quartier, hein, voilà, avec les côtés positifs, les côtés négatifs, ouais. Que tu racontes aussi dans tes morceaux. Ouais. Et puis là, consacré et à fond dans la musique maintenant, Nino. C'est ça, hein, depuis quelques devenu, années. C'est devenu le travail, tu vois. C'est devenu le boulot. Ouais, c'est devenu le boulot. On a tout arrêté pour ça. Mmh. Et voilà, c'est devenu le boulot. Bon, tu te sens bien dans la musique, ça va, là, c'est. Ouais, je m'y plais. Hein. Tu t'y plais. Rien à signaler. Ouais. Non. Non, rien à signaler, on est là. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, donc je rappelle, le projet est déjà dans les bacs. Si vous craquez sur un des morceaux, on peut aussi télécharger légalement, je précise. Ouais. Dès maintenant, pendant la nocturne, maintenant, ils le savent. Mills, on débute avec. Allez, tu prends le contrôle tiens, de la nocturne. Tiens, Ni en direct. N9K, check, tu m'entends là-bas. Ouais. Tiens, ouais, Zéo. Oh. Ouais, Pepito, le chat, c'est comment? Mauvais compte fondé, moi. Tiens. Les mauvais comptes font des morts et les bons comptes font des bêches. J'intercepte, je lève la tête, je suis dans la surface de réparation adverse. Mystérieux comme la mort de Tupac et de sa fameuse Alia. Aujourd'hui elle me regarde même pas, mais elle voudra se marier si elle me croise en Cadillac. Ramène tout tes MC, je les nettoie, c'est mon côté maniaque. Et j'ai la niaque, donc je la nique. Sans les maniaques, non, comme un stylo bic. Y'a que les servis, y'a que les heureux. Nous, ce qu'on aime, c'est les euros. Beaucoup trop d'absence sur le bulletin scolaire pour le montrer aux darons. Donc je rallume une garo dans le parking, je suis garé. Par état, je charge la lune. Et je constate que beaucoup de rappeurs ont joué de la fuite. Fut tapiné sur le trottoir comme des putes. Clip, radio, concert. Bref, agenda rempli. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai compris que la confiance n'est pas une garantie. Ils se prennent pour Tarantino dans le film. Mais ils sont morts dans la bande annonce. 1,8 sur la pouki, c'est précis. Paye cash quand tu prends ta conce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus qu'un autre? La rue, c'est partout la même. Voiture banalisée sur nos côtes. Des pécanes, des cartouches par terre. Je suis revenu que pour niquer des mères. Petit pas voir ailleurs, je ne serai pas ton beau-père. Tu dois bâtir un empire. Il me faut plus de pierres, dis-moi pourquoi t'as peur. Ton zen et la pure font la paix. Je me lève, j'ai la barre. Ils connaissent pas les plans que j'ai là-bas. Je vais les grailler, les recracher, les mixer, les boire. En fait, je vais leur causer du tort. Je vais les grailler, les recracher, les mixer, les boire. En fait, je vais leur causer du tort. Car si je m'en sors, ils me souhaiteront la mort pour récupérer mes gains. Ben ouais, mal le gueux, j'ai vu ce qu'il est pas. Je ramène la dope à bon port. Une transaction et je m'évapore. Moi, j'ai tellement rêvé du disque d'or que je n'endors plus la noche. Je dirais que la vie est une grosse chienne. Faut pas être trop cher pour la dresser. Jamais. Si tu dis que c'est lourd, je dirais merci. Nino est tombé du berceau. Il a atterri à Bercy. Tu m'as reconnu sur Paname, on se parle, on rentre en moonwalk dans le moonroof. J'suis au bigo avec Pepito, il me dit qu'on m'écoute jusqu'à Toulouse. Je suis le winner et you lose. Tous mes collègues sont mon boulot. On rentre dans le bat que pour Gouli. Il faut les gorilles, ça me fait rigoler. Jack Daniel coupé au miel. Gros cerne sous les paupières. Comique Coltard, on n'est pas trop fiers. Dans les hautes sphères, dans les gros jazz. On sort ici grâce au commerce. Niquez vos mœurs. Là c'est mon heure. Force et honneur. Un peu trop souvent de mauvaise humeur. Si le talent ça payait vraiment, je pourrais déjà m'acheter 18 humeurs. J'ai connu l'amour, connu la peur. Ça fait les rostas, ça fait les rappeurs. Mais c'est des acteurs, que des lapsus révélateurs. On passe les rapports, avec les Nikers. Bouge pas et j'arrive dans un quart d'heure. Tony a tué Mani. Tu grandis, tu perds des amis. T'as même des marmots. Ta maman est devenue mamie. Oh la chica, como estas? Pour voir ta chatte, moi j'ai l'astuce. J'ai besoin d'espace. Besoin de la thune. Mature, je le suis. Nique les mathématiques. Ma matière préférée, c'est la soie. MILS dans les bacs. Banks. Depuis le 21 octobre. Va pêcher la dope. Niquez pas tous les quartiers de France. Annie. David Rennes. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Tiens, tiens, tiens. MLS dans les bacs. Ouais, Henny. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. J'suis tout le temps sur les nerfs. J'suis tout le temps sur les nerfs. Je fume pour oublier, je pense que t'as assez souffert. Maman, j'ai perdu le sourire, je suis. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. Je suis tout le temps sur les nerfs. Je suis tout le temps sur les nerfs. Je fume pour oublier, je pense que t'as assez souffert. Je me suis levé du pied gauche. La journée a très mal débuté. RDV chez la spip après m'être fait juger. La vie n'est pas un jeu, je tendrai pas l'autre joue. Si je pars, je reviendrai pour courir d'or le coup de ma remet. Remet, précieuse repied. Le plus beau des diamants sur sa tête. Mais elle a beaucoup trop pleuré. Elle fait comme si tout allait. Quand elle entend mon blouson se refermer, elle me dit à tout à l'heure. Bah ouais, son fils a grandi. Il entame la 20e année. Et il n'y a que les photos qui lui rappelleront le passé. Il faudra se débrouiller, charbonner, ramasser les billets. Compter, compter, recompter. Jeunesse égarée qui trouvera le sourire dans le papier. Ouais, papy, c'est que tu m'entends, ouais, papy. Comme il dit, je ouais, ne fais que chanter ma peine dans mes titres. Je médite et je me dis que si je fais des hits, j'aurai du liquide. La mort ou la prison, comme dirait Kerry, mais avant ma mort pour ma mère. C'est les plus belles roses que j'irai cueillir. Courir, courir, après le temps, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, si la porte est fermée, j'ai la clé de sol. J'ai pas besoin d'un serrurier, laisse couler le piano. Piano, piano. Et fais rentrer la basse. Assis au fond du bus, j'dois rouler ma bosse et j'me casse. Et l'œil tu me le portes pour que mes projets tombent à l'eau. Mais la lumière va t'aveugler. La vie n'est pas un rêve bleu, mais un cauchemar noir quand j'ouvre les yeux. Maman, j'ai perdu le sourire, j'suis. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. J'suis tout le temps sur les nerfs. J'suis tout le temps sur les nerfs. Je fume pour oublier. J'pense que t'as assez souffert. Maman, j'ai perdu le sourire. J'suis. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. J'suis tout le temps sur les nerfs. J'suis tout le temps sur les nerfs. Je fume pour oublier. J'pense que t'as assez souffert. Noyer ma peine dans la mélodie, mélodie. Je ne sais faire que ça faire que. Et si ça. Ma mère le savait, est-ce qu'elle serait fière de moi, fière de. C'est moi. La question que je me pose, question que je me pose. Quand je rentre à la maison, quand je rentre à la maison. Est-ce qu'elle trouvera que son fils est bon ou qu'il a perdu la raison. Maman, t'inquiète, je gère. J'assume comme un bonhomme. J'assume comme un bonhomme. Tout sourire, ça vaut de l'or. Sourire, ça vaut de l'or. Donc je creuse encore. J'suis tellement mal, mais je fais comme si je ne voyais rien. Attiré par les biens matériels de ce monde. Je rentrais dans la banque pour rafler tous tes gains. Le que ça remplit en 80 secondes. Et mon père m'a dit, on retiendra le premier. Malheureusement, on oubliera le second. Mais c'est ça la vie, t'as que deux amis. Et sur l'un des deux, y'a peut-être un ennemi. Donc je me méfie et je vérifie avant d'appeler la famille. Avant d'appeler la famille. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. C'est bon jusqu'à hier. Maman, j'ai perdu le sourire. Tiens, maman, tiens, j'ai perdu tiens, le tiens. Sourire. J'suis tout le temps sur les nerfs. 9-1-7-7 dans la maison. Nel Tour dans la maison. Peco dans la maison. Parce que t'as assez souffert. Maman, j'ai perdu le sourire. Les trois tours, les gars, c'était basse. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. Maman, j'ai perdu le sourire. J'suis tout le temps sur les nerfs. J'suis tout le temps sur les nerfs. Je fume pour oublier. J'pense que t'as assez souffert. C'est la nocturne, c'est 100% rap français. C'est Nino au contrôle de la nocturne avec son projet Mills qui est dans les bacs. Thanks. depuis fin octobre, vous le retrouvez. Et puis on va le découvrir aussi pour ceux qui connaissent pas encore Nino. Il est là avec nous entre 20h et maintenant, entre même un peu plus d'ailleurs, minuit, puisque déjà le temps passe vite avec toi Nino. La Nocturne 100% rap français. On écoutait un morceau qui s'appelle Sourire. Oh ouais. J'aime bien les outros que tu laisses à chaque fois sur tes morceaux, Nino. Bien sûr. C'est tellement rare. C'est tellement rare en fait. C'est rare, hein, ça ouais. Devient. Ça me rappelle une grande époque, il y a toujours les longues. Voilà, moi j'ai commencé comme ça, t'écoutais les sons des gens, il y avait des instrus. Ils laissaient les instrus couler, ouais. T'essayais de rapper sur la fin. Bah en fait, c'est ça, ouais, donc c'est aussi ça le petit clin d'œil que t'as voulu ouais. faire sur ce projet. Ouais, franchement, c'est l'esprit rap, hein, tu vois. Il y a la trap qui est arrivée, tu vois, c'est un gros mouvement de trap, et moi c'est l'esprit rap, voilà. Le rap, la première claque rapologique, c'était qui? Premier mec que t'as écouté ou... Oh, les premières claques, t'as vu, c'est qu'on construit le jazz pour moi. Hein. C'était Booba, Rof, il y avait La Fouine, ça rappait. Hein. Donc ça, c'était les voilà, rap français ouais, principalement. Du Code de l'horreur, Qui peut me stopper, Bullby, etc. Tu vois. C'est ça qui t'a aussi motivé un petit peu à prendre ouais. le micro. Vous t'écrivez déjà aussi, non? Ouais, après, c'est plus tu vois, l'entourage, ma famille, mes uns qui m'ont mis dans l'opéra. Et j'ai continué. Franchement, j'ai continué, ça fait longtemps que je suis, tu vois, que je suis dans ce qu'on appelle le game, mais ils ne le voyaient pas. Donc maintenant, ils le savent et voilà. Maintenant, ils le savent, ouais. Voilà. À partir de quel moment, toi, tu t'es rendu compte qu'il se passait quelque chose autour? C'est quel morceau, je dirais, qui a été un peu déclencheur où tu t'es dit, putain, le nombre de vues que fait, j'ai. En fait, j'ai pas de morceau déclencheur vu que j'en ai balancé plusieurs, ouais. tu vois. C'est plus une période. Il y a eu un long moment où j'ai balancé beaucoup de freestyle. Et je pense que c'est ces freestyles-là qu'on fait, tu sais, parler de moi du bouche à oreille. Qui ont marqué, ouais. Et voilà, on en est arrivé jusqu'à un projet. Et je suis très content. Donc ça, c'est la première grosse carte de visite. Ouais, première grosse carte de visite, MILS. Ça s'appelle MILS. On va repartir d'ailleurs sur un des projets, un des morceaux du projet maintenant. Ouais. C'est un titre qui s'appelle Malcolm. Malcolm. On l'écoute? On l'écoute tout de suite. Nocturne. Aigné en direct. Tiens, tiens, tiens, tiens. On est le tour dans la maison. 9-1, siété, tu connais. Ouais, Mousse. Ouais, Mousse, t'es pas là, mais t'es là. Ouais, ouais. 3 grammes, 3 clopes. Je vais peut-être mourir comme Malcolm. Philippe Lain, René Lacoste me feront tomber dans la drogue. Je n'oublie pas mais je pardonne. Méfiant, méfiant et mafieux comme Al Capone. Et les derniers seront les premiers quand ils pourront tricher. Ils pourront tricher. Dans le quartier c'est trop miné, on se retrouve au QG. T'es qu'une balle traîne donc si tu le fais c'est que t'es obligé. Avec barrage dans le GT, je suis comme dans la fusée. Tu maigrises. Mon noir, je perds des milliers de neurones. Je maîtrise, je sais de quoi je parle. Je suis dans la street pour des euros. On fera des malheureux et des heureux. Des malheureux et des heureux. On n'est pas des chanceux. L'avenir appartient aux plus désireux. Banks, je suis pas trop là. Je les laisse entre eux. Mais demande pas pourquoi. Je répondrai parce que ils parlent de moi. Quand t'es avec eux. Quand je suis avec eux. Ils parlent de toi les envieux. Beaucoup de on m'a dit, beaucoup d'as qui paraît. Très peu de tentatives, mais beaucoup de si malgré. Il paraît que le temps passe vite, je peux pas réfléchir après. Je dois réfléchir tout de suite, je réponds quand le bif m'appelle. Et deux billets de 500 brise une amitié, parce que ton ami veut plus que la moitié. Quand j'avais pas ce métier, dis-moi où vous étiez. Tout ce que je retiens, c'est que quand t'es bien, ils te boufferont les pieds. Il n'y a que les miens qui profitent de mes gains. Dis à ta petite sœur de se rhabiller, demande à la sauce de ce grand bodot. Beaucoup de paroles, très peu d'actes. La rue me rend autodidacte. Je crois que j'étais le meilleur candidat. Y'a des choses qu'on dit. Y'a des choses qu'on dit. Ah, au pays du bleu, blanc, rouge. J'arrive en noir, c'est un handicap. J'ai promis à l'équipe que j'abandonnerai. Ah, que je reviendrai avec des cadeaux dans la hotte. La télé, les hits et la cote. Si tu savais comment j'avais hâte. Quand j'étais môme. Aujourd'hui c'est plus la même. Faut du bif pour le loyer de ma mère. Surtout pas pour ces connes qui font des manières.

C'est pas plus mal. Et la suite a fait le reste. Ton stylo a fait le un reste. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Ah bah tu as bien raison, je suis le premier à le dire. Tiens, tiens. Toi généralement t'écris toujours dans, voilà, dans ce même sens, c'est-à-dire qu'il faut l'instru avant d'écrire ou parfois tu peux t'arrêter de gratter Ouais, toujours c'est l'instru qui me. Toujours l'instru. Qui me guide. Ça c'est un truc important sur ta façon de travailler quoi. Ouais, franchement c'est le beat il me donne 80% du morceau. Le projet est dans les bacs. Tu voulais peut-être saluer des gens qui sont autour de toi aussi, Nino. On n'a pas dit depuis le début. On n'a pas présenté l'équipe. Eh oui, on n'a pas présenté l'équipe. Je suis avec le frérot. C'est mon backer. Il est toujours là. On l'a toujours vu depuis le début. Il s'appelle Chito. Il y a le producteur Quick. On présente Baba la Aziz. Hein? On présente le frère. Il me met frais comme jamais avec des petits manteaux. Donc on avec son magasin sûr. Du manoir. Bien sûr, le manoir. Allez faire des tours. Allez faire des tours. Si vous voulez de la grosse simple. Et on est là avec le frérot, il y a mon gars sûr, Titex, il est là. Et il y a les frérots qui doivent arriver normalement. Il y a tout le monde, il y a toute l'équipe. Mousse n'est pas présent, Mousse n'est pas présent. En esprit, Mousse. BVR Corp, on est là. Et Nice qui n'est pas présent aussi, il est derrière la porte, je pense que tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Le producteur, il est là depuis le début et je le salue, c'est grâce à lui. Je crois qu'il est en train de bosser là, il est en train de taffer, il court ouais, partout. Laisse tomber, ça court, c'est grâce à eux, tu vois. Il y a une machine derrière tout ça. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une machine qui s'est bien organisée. C'est bien organisé, hein. Bah on est là, on essaie. Et tant mieux. Tant mieux, tu vois, depuis le début on essaie de travailler et là ça, on voit que ça aboutit. Et ça prend bien. Continuez d'ailleurs à vous procurer ce projet de Nino. On va repartir sur quel morceau? Tiens, je t'ai pas demandé. On repart sur quel morceau? On repart sur Soleil. Ah. Bon, Somnambule, Somnambule, Soleil. On va tester Somnambule. Ah bon, parce que je te l'ai déjà fait en live ici avec Sadek. C'est vrai. Gros big up à Sadek d'ailleurs. Et Leto qui sont présents dans mon projet. Ouais. Gros big up. Parce que c'est vraiment des collaborations que j'ai faites avec Le Cœur. Donc gros big up à eux. Et on va passer Somnambule. Ça c'est extrait du projet MILS. C'est quoi ton problème? J'ai une lésion neuroanatomique, ils ont dit, qui affecte l'activation de mon système. Gros big up à Niska aussi. Ah, mon frérot. Tiens. Ça veut dire que je dors pas. Jamais. La vie de rêve. SNK Productions, les yeux ouverts, traîne. On t'a vu. Easy time, on t'a vu. J'aurais pas vous dire. Ouais, KEN. Ouais, Bastos. Toute l'équipe au parking du bâtard. Somnambule. Je trouve pas de sommeil, je pars au dans voiture. Tu sens que c'est dur, mais tu sens que c'est mûr. Ils se grattent les veines, je regratte le mur. J'ai gonflé, j'ai rajouté de la levure. Les porcs, j'aime pas les voir. Je suis toujours à l'affût pour pas mettre mes clés, mes lacets dans la fouille. Y'a comme une faille, envoie la feuille. Je la fume ou j'écris dessus. C'est le début du son, mais c'est l'heure du décès. De l'autre côté, c'est sombre, est-ce que tu le sais? Un jour, on va se ranger, on aime trop les sous. Trop les sous. Mauvaise adolescence, à lui mettre dans l'essence. Les 38 terricales, ça court dans tous les sens. On sait qui fait quoi, qui dit vrai. Oui, je fume mon bédo, je m'envole dans le ciel. Je fume ton bédo, j'ai une petite migraine. Tu vois ce que je veux dire, à vrai dire, chez vous ça sans la yuka à toute patate. Les frôlots prennent des peines de fou malade. Je vais barouder toute la night. Je suis avec le poteau dans l'auto. Ou avec Zaiko Roloto. Toi, ne fais pas le Totorina, ça ne te va pas. Sur nos jogging que des alligators. Que de la frappa, aller-retour, Paris n'adore. Somnambule. J'trouve pas le sommeil, j'barode en voiture. Je ne dors plus. Monte le son, si toi aussi tu barodes en voiture. On est chez Skyrock. C'est la nocturne. J'trouve pas le sommeil, j'barode en voiture. Je ne dors plus. Bye bye, bangs. Somnambule. Les gars, ton frère du quartier Nord à Villeneuve. Tiens. Boumara le chat. Bye bye, bangs. Ouais, Baba Nanterre, je sais que tu nous entends. Baba Nanterre. Somnambule. Cerné par la fatigue. Sur le terrain comme Cavani. Ne confond pas les fans et les fanatiques. J'suis dans le hall, les yeux bridés. Les stuns sont débridés. Donc on s'échappe quand c'est miné. Des MC farcis au menu. Coupé au schlass ou à main nue. Si tu savais de quoi j'étais muni, tu risquerais de tomber des nues. Que des arnaques, des magouilles, des escroqueries. comme les présidents de foot italien. Vous pensez qu'il y a Haja, moi je vous dis qu'il y a rien. Vous pensez qu'il y a Haja, moi je vous dis qu'il y a rien. Hein, qu'est-ce que tu croyais, hein, qu'est-ce que tu croyais. Bien sûr que la fin justifie les moyens. Si tu brasses, les Schmitt voudront te noyer. Au comico, je ne serai jamais loyal. Rappelle plus tard, poto, je suis pas joignable. J'ai la vingtaine, mais je mérite la place du doyen. La vingtaine, mais je mérite la place du doyen. Fils de putain, mais qui t'a dit de me tutoyer. Moi je vais salir, toi tu vas nettoyer. Ou bien niquer ta propre mère dans les toilettes. J'te résume le rap en trois lettres. Le rap game, j'ai bientôt fait le tour. Les yeux sont comme Louis XVI en promenade dans sa cour. Chéri Coco, mon bébé d'amour. Fais-moi graille et j'te fais l'amour. Somnambule, somnambule. J'trouve pas le sommeil, j'pars au dans voiture. Je ne dors plus. Non, je ne dors plus. JT 9-4. Somnambule, somnambule. TDM, GGK, MME, Soso, j'vous ai vu. Babang Banks. Ouais, Softo. Ouais, Softo. J'ai pas vite. Comme Jesse Owens. On s'est cagoulé, tout est élaboré. J'suis venu faire du sale, pas là pour décorer. Zifu, des zifu, coro, des coraux. J'ai pété le million si j'bicrame les coraux. Bicrame les quoi, hein? J'ai pété le million si j'bicrame les coraux. Le gang est type que des bourreaux. On tolère pas trop les peureux. Elle a mal au rein quand je la démonte. Elle a mal au rein quand je la démonte. Elle a mal au rein quand je la démonte. Elle a mal au rein quand je la démonte. Je la tue, je la démonte. Elle a mal au rein quand je la démonte. Elle a mal au rein quand je la démonte. Elle a mal au rein quand je la démonte. J'suis BG, j'suis refait, j'suis bien sapé. J'ai sorti la méduse de Versace. J'suis BG, j'suis refait, j'suis bien sapé. Aujourd'hui j'suis connu, elle veut snapper. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Tiens, tiens. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Tiens. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je la démonte, démonte, elle a mal au rein. Démonstration de force comme un boomara. Oh là là, oh là là. Je récupère tous les ballons comme ma télé. Bouge la dalle à la, tout est local à la. Chez nous les meilleurs clients font la queue le le. Elle a la dalle à la, elle fait ma queue le le. Ça te retourne pas direct dans le le. Quand j'arrive pas là, la souris twerk. La dignité ne tient qu'à un fil, elle veut se recoudre l'hymen. Elle twerk comme jamais, j'ai la barre comme jamais. Encore deux, trois verres et je la tue sur une Peugeot toilette. Direct de la nocturne. c'est la nocturne et c'est Nino au contrôle de la nocturne avec ce morceau à l'instant avec Niska. Fred, je t'ai vu danser. Hein. Ah, vous êtes régalé sur ce morceau. Je t'ai vu danser derrière, et faire des grands gestes avec tes bras et tout. Hein. Surtout à cette heure-ci, hein, moi, tu sais, il en faut peu hein, pour partir. Il en faut peu. Hein. Ah, il en faut peu. Un morceau comme Elle a mal, moi je fais une soirée tout avec. Hein. Ah, ben une soirée, bah attends. Et tiens, en parlant de soirée, toi, t'as des dates aussi, des showcases à annoncer ou pas Nino? Pour l'instant. Je sais que ça tourne pas mal quand même. Pour l'instant, on tourne plus en séance dédicace. Mmh. Donc les dates sont annoncées sur ma page et t'inquiète pas. Et alors pour te suivre, rappelle où on te suit. On me suit sur ma page Facebook, Nino SDT. Mon compte Instagram, Nino SDT. Partout, Twitter, Nino SDT. Tout Nino SDT. Venez snapper avec nous. Et on est là. Et venez kiffer sur des morceaux. On nous demande où est-ce qu'on peut retrouver ce morceau, évidemment, sur ton projet. Ouais, MBLS. Avec Niska et la Mal, à l'instant, c'est ce qu'on écoutait. Ouais. Nino avec nous, on repart sur un autre morceau tout de suite. On repart sur un autre morceau. Genre, quelle tendance plutôt plutôt comment Monotonie. Monotonie, très bien. Voilà. Un morceau qui s'appelle Monotonie qu'on retrouve sur ton projet. Je rappelle qu'on peut télécharger toujours légalement aussi, hein, on peut y aller, n'hésitez pas. Voilà. Dès maintenant, il s'appelle Nino, il est avec nous. MBLS dans les bacs. Lui qui a pris le contrôle de la nocturne. Et toi t'as peur ou tu donnes tous les blagues comme un schlag au bord de la rechute. Et on m'avait dit de bien choisir mes amis, mais j'ai choisi les mauvais. Donc c'est dans le hall que tu m'as vu, où c'est difficile de dire I love you. On préfère dire I love les lovés, quitte à tourner pendant des années, effacer les bosseurs d'à côté pour pouvoir contrôler la zone. Je te raconte pas de mensonges, tu brasses et puis tu plonges. Et c'est les joues de ta mère qui feront le rôle d'éponge. Traînant dehors, j'ai trouvé mes semblables. La misère paye parfois un business rentable. À deux pas du palier d'autrui, la vieille en a marre. On crache, on tease, on fume, comme si c'était normal. J'suis dans le hall toute la nuit, j'suis dans le hall toute la nuit. Ouais, toute la nuit. En traînant dehors, j'ai trouvé mes semblables. J'suis dans le hall toute la nuit, j'suis dans le hall toute la nuit. Ouais, toute la nuit. La misère paye parfois un business rentable. En vrai. Et la street apprendra que l'illégal vaut mieux que le légal. Et que sur le terrain vaut mieux être le buteur que le goal. J'finirai la soirée dans le local. M'enfumer le crâne, devenir loco. Sortir quand le petit fait dodo. Tiens, roule un bédon, fais-moi P2. Fais-moi P2. On a fait comme les grands ont fait comme les anciens, les petits feront comme nous. Toujours le même bâtiment, y'a que les têtes qui changent, motivés par la dalle des sous. Mais quand ça se complique, c'est toute la famille que j'implique. Et ça, je ne peux pas l'inventer. C'est pareil dans toutes les cités, et tu le sais. En traînant dehors, j'ai trouvé mes semblables. La misère paye parfois un business rentable. À deux pas du palier d'autrui, la vieille en a marre. On crache, on tease, on fume, comme si c'était normal. J'suis dans le hall toute la nuit, j'suis dans le hall toute la nuit. Ouais, toute la nuit. Traînant dehors, j'ai trouvé mes semblables. J'suis dans le hall toute la nuit, j'suis dans le hall toute la nuit. Ouais, toute la nuit. La misère paye parfois un business rentable. En vrai. Tout le monde, Riton. Tiens, tiens, tiens. Tous les frères de Cop 46, 46, chez Ali. Tu sais comment ça se passe. On a le tour. Le Hanout. On y est enfin arrivé, hein. Bah ouais. Personne ne regarde dans les yeux. Personne ne regarde dans les yeux. Personne ne regarde dans les yeux. Pince. Ouais, Annie. Tiens, tiens. Personne ne regarde dans les yeux. Personne ne regarde dans les yeux. Ouais, personne ne regarde dans les yeux. Personne ne regarde dans les yeux. Ouais, ouais. Personne ne regarde dans les yeux. Personne ne regarde dans les yeux. Ouais, personne ne regarde dans les yeux. Vise le million, t'auras des milliers. Tout est écrit, tout est dessiné. Ça suce des bites, beaucoup m'ont déçu, mais si je débite, c'est que pour les décimer. Augmente le son, ressent les décibels. Leur flow, leur phase, laisse à désirer. Ils ont été conçus le 31 décembre. C'est des erreurs. Et si je me trompe, y'aura des moqueries, y'aura des rires. Y'aura des rires, y'aura des rires. Si ils savaient ce que j'avais derrière. Encore ennemi, encore LVDR. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte à part la vie de Hur? Dans les vidéos, ils ont des vies de luxe. Mais en vrai, c'est dur, c'est des fils de pute. C'est du peur, hein, c'est pas de la trappe, ça. Tiens, trappe ça. Que tu t'erces, que tu t'erces. Et cela va de soi, on va les battre sans enlever leurs vêtures. Pour que tu vois qu'ils ont des strings en dessous. Tu peux t'asseoir, ça risque d'être dur. L'amour en aveugle et l'argent rend fou. Les produits, le commerce, j'ai la solution à tes problèmes. Ton lit, le soleil et toute ton équipe, elle nous connaît. Les produits, le commerce, j'ai la solution à tes problèmes. Ton lit, le soleil et toute ton équipe, elle nous connaît. Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Personne ne regarde dans les yeux comme le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Personne ne regarde dans les yeux, dans les yeux. Faut une petite pute, une puce pas cramée. 3 millions d'enclis par année. 3 millions d'enclis par année. Parano, j'ai besoin de voyager. J'suis avec le chat, j'suis avec le chat. Il a les cheveux longs, il a du bon pilon. Grosse bouteille, on est pompé l'op. J'compte, j'recompte, j'remplis l'enveloppe. Il en faudra plus pour m'arrêter. Elle a fêté, mais j'suis pété, j'suis dans le golf. Golf, GT. Sous boisson, fais pas la GT, y'a de la place dans le coffre. Coffre, PD. Il y a de la place dans le coffre, coffre, PD, PD. On a de la patate à débiter. Ah. Ça parle de moi, ce que j'entends. Oui, à ce que j'entends. Oui, à ce que j'entends. Et si tu te demandes ce que j'en pense, le troisième doigt sera ma réponse. C'est devenu rare que je me repose. J'aime quand le buffet est épais, quand le buffet est épais. Donc je roule sans faire de pause. Moi c'est N, dis-moi qui t'es. C'est N, dis-moi qui t'es. Le produit, le commerce, j'ai la solution à tes problèmes. Le tronc-lit, le soleil, et tout tourné, qui peine nous connaît. Le produit, le commerce, j'ai la solution à tes problèmes. Le tronc-lit, le soleil, et tout tourné, qui peine nous connaît. Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Personne ne regarde dans les yeux comme le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Personne ne regarde dans les yeux, dans les yeux. Avec nous dans la nocturne 100% rap français, ce morceau qui s'appelle Soleil. Soleil. Un petit mot sur les gens qu'on produit les sons sur ce projet, Nino, avec toi. LVDR, La Vie de Rêve, un beatmaker qui bosse avec nous, notre label. Il y a SNK Productions, qu'on produit Tout Ira Mieux et Malcolm. Il y a Trent 700, qui a produit Monotony. Et Tony Beats, un beatmaker de Toulouse, force à lui, il a fait 10 mois que tu m'aimes, Sourire. Et TTR, donc il est bien présent et pour ça. Nino avec nous pour la nocturne. Easy Time qui a fait El Amal. Sizi qui a fait Crésus avec Leto. Ça, c'est la question piège. Si tu oublies quelqu'un après, c'est non, dur. Non, tu vois, on réfléchit. À chaque fois, on oublie, mais là, j'essaie de pas oublier. Voilà. Là, c'est bien, t'as oublié personne. Non. Non, je disais Nino, on va mettre encore deux morceaux. Tu finiras avec un live aussi dans quelques minutes. Ouais, bien sûr. Les deux derniers morceaux de cette nocturne, qu'est-ce qu'on met qu'est-ce qu'il paraît important de mettre pour les gens qui vont peut-être aussi découvrir ce soir? Tout ira mieux. Tout ira mieux. Ouais. Gros morceau. Un des très gros morceaux de ce projet qui est dans les bacs. Nino au contrôle. Voici Tout ira mieux. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Le genou à terre, on ira tous

qui t'a tué, moi c'est Admar Piguet. J'en sors de chez Pépé, j'ai claqué ton loyer. Et si tu es injoignable, c'est qu'il y a folate dans le foyer. Mais qu'est-ce que tu croyais? On se dit tes kills comme des douaniers. Dans la main, tu perds le poignet. Dans la main, tu perds le poignet. Elle veut ma vie, elle veut mon buzz, elle veut mes fans. Elle veut mon Glock, mais j'ai trop peur qu'elle se tire une balle. Cocaïne, couleur, Babi Belle. Perdu dans la nuit montagne. Ramasse le bif quotidiennement. Récupère ce que tu perds. Elle veut mon bif, veut ma bite, veut ma coca. J'fais du shit, j'suis dans le bif de ma dona. De ma dona, de ma dona. De ma dona, de ma dona. À moi tout seul, j'suis une industrie comme McDonald's. Le mois dernier, j'ai fait plus qu'un joueur de la Roma. De la Roma, de la Roma. De la Roma, de la Roma. Sky pur, coca pur, c'est de la dure, pas coupé. Sky pur, coca pur, c'est de la dure, pas coupé. Sky, sky pur, coca pur, c'est de la dure, pas coupé. Attends, attends. Pas coupé, t'as pas compris, on est pas comme eux. Y'a les géants et les pygmées. Elle rentre par les naseaux. Véritable poison. J'entends que ça crie 22. J'suis déjà chez le voisin. I'm in love with your nejo. C'est de la frappe, c'est du fuego. Banks to banks, serre to serre dans le cello. 20-20, j'ai l'alias couleur ciel. Serre to serre, j'paye ma chemin. Fais-moi fumer. En galère, c'est pas ton père qui va m'assumer. J'peux fumer un ennemi ou un joint de bœuf. Choisis pas, j'fais les deux et ça va mieux. Any, les calculs passés des FI. Putain de FI. Fan impulsif, la chemise de bille pour une selfie. FI. Garnet précis, rare précieux, ceux qui m'apprécient. Aucune pression, j'm'y ouais, on frotte la vessie. Elle veut mon bif, veut ma bite, veut ma coca. J'fais du shit, j'suis dans le bif de ma dona. De ma dona, de ma dona. De ma dona, de ma dona. À moi tout seul, j'suis une industrie comme McDonald's. Le mois dernier, j'ai fait plus qu'un joueur de la Roma. De la Roma, de la Roma. La Nocturne avec Nino à l'instant, et ce morceau on retrouve Sadek, c'est aussi sur le projet Nino qui s'appelle Mills. Maintenant ils le savent, ils le savent. Nino, merci pour ce début de Nocturne, terrible, mais on va pas se quitter comme ça. Ouais, un gros live. T'es prêt pour du live ou pas? Toujours prêt, toujours prêt, toujours prêt, préparé. On peut attaquer? Bien sûr. Coup d'envoi maintenant. Ouais, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. La vie de rêve. Les mauvais comptes font des morts. Tiens. Les mauvais comptes font des morts. Et les bons comptes font des best friends. J'intercepte, j'aime la tête. J'suis dans la surface de réparation adverse. Mystérieux comme la mort de Tupac. Et de sa fameuse Alia. Aujourd'hui elle me regarde même pas. Mais elle voudra se marier si elle me croise en Cadillac. Ramène tout tes MC, je les nettoie, c'est mon côté maniaque. Et j'ai la niaque, donc je la nique. J'rallume maniaque, plomb comme un stylo bic. Y'a que les servis, y'a que les heureux. Nous ce qu'on aime c'est les euros. Beaucoup trop d'absence sur le bulletin scolaire pour le montrer aux darons. Donc j'rallume une garo dans le parking, j'suis garé. Par étage, j'observe la lune et j'constate que beaucoup de rappeurs au jeu de la flûte. Fut tapiné sur le trottoir comme des putes. Clip, radio, concert. Bref, agenda rempli. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai compris que la confiance n'est pas une garantie. Ils se prennent pour Tarantino dans le film, mais ils sont morts dans la bande-annonce. 1,8 sur la bouquille, c'est précis, paye cash quand tu prends ta conce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus qu'un autre? La rue c'est partout la même. Voiture banalisée sur nos côtes, des bécanes, des cartouches par terre. Tiens, je suis revenu que pour niquer des mères. Petit va voir ailleurs, je ne serai pas ton beau-père. Je ne serai pas ton beau-père. Va bâtir un empire. Va bâtir un empire. Il me faut plus de pierres, dis-moi pourquoi t'as peur. Dis-moi pourquoi t'as peur, bâtard. Zen et la pure font la paire, je me lève, j'ai la barre. Je me lève, j'ai la barre. Et ils connaissent pas les plans que j'ai là-bas. Tiens, je vais les grailler, les recracher, les mixer, les boire. En fait, je vais leur causer du tort. Ouais, du tort. Je vais les grailler, les recracher, les mixer, les boire. En fait, je vais leur causer du tort. Car si je m'en sors, ils me souhaiteront la mort pour récupérer mes gains. Bah ouais, mal le que j'ai fait ce qu'il est pas. Je ramène la dope à bon port. Une transaction et je m'évapore. Tiens, moi. J'ai tellement rêvé du disque d'or que je n'endors plus la noche. J'dirais que la vie est une grosse chienne. Faut pas être trop chien pour la dresser. Non, jamais. Si tu me dis que c'est lourd, j'dirais merci. Nino est tombé du berceau, il a atterri à Bercy. Tu m'as reconnu sur Panama, c'est pas vanant. Rendre mon loyer dans le moonroof. J'suis au bigot avec Pepito. Il me dit qu'on m'écoute jusqu'à Toulouse. Toulouse, je suis le winner et you lose. Tous mes collègues sont mon boulou. Boulou, on rentre dans le bac pas coulis. Ils font les gorilles, ça me fait rigoler. Jack Daniel coupé au miel. Gros cerne sous les paupières. Comique Coldar, on n'est pas trop fiers. Non. Dans les hautes sphères. Dans les gros jazz, on sort ici grâce au commerce. Niquez vos mœurs, ça c'est mon heure. Force et honneur, force et honneur. Un peu trop souvent de mauvaise humeur. Car si le talent ça payait vraiment, je pourrais déjà m'acheter des humeurs. Connu l'amour, connu la peur. Ça fait les rostas, ça fait les rappeurs. Mais c'est des acteurs, que des lapsus révélateurs. On passe les rapports, on passe les rapports. Avec les Nike, avec les Nike. Bouge pas, j'arrive dans un quart d'heure. Tony a tué Mani. Tu grandis, tu perds des amis. T'as même des marmots, ta maman est devenue mamie. Oh la chica, comment est-ce pour voir ta chatte? Moi j'ai l'astuce, moi j'ai l'astuce. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de la thune, j'ai besoin de la thune. Mature, je le suis. Nique les mathématiques, ma matière préférée c'est la soie. Banks. Rien à signaler, N.I.N. en direct. Sky, j'espère que vous me recevez. Moi je vous reçois, moi. 1, 2, 1, 2. Test. Micro one shot. La nocturne 100% rap français. On continue avec un autre live, Nino. Ouais. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Bang Banks. Même si j'aimais beaucoup, zéro boucan, zéro boucan. Mélange le bicar, revends les flocons. Toute ton équipe est fatiguée. Et la mienne est déterminée. Oui, pin ça comme un pâtissier. Tu savais pas maintenant, tu sais. 6 sur 6 dans le barillet. 3 points, pas dans le panier. Crime organisé, planifié. Là, tu connais ma pureté. Et ça fait la mala, la mala. Mais devant 9000, c'est mou comme Chamalo. Mes nouveaux amis viennent de Milo. Ta concurrence, c'est Baby Milo. Bif, bif, bif, bif, bif. La patte du gars m'a rendu maléfique. On a la S blanche comme le sucre. On a la S blanche comme le sucre. Et comme le S, je crie marafak. Quand ces fils de pute me demandent un feat. Soit t'es le guetteur, soit t'es la tête. J'ai pas le coffret, je fais la fête. Et je fais la une, donc tu fais la tête. Les bons comptes font les bonnes ententes. Toi, tu n'es qu'un délateur. Un menteur de plus en bas de la tour. Le bigot est rempli de drogués. Je sors la liasse pour la draguer. 6 bouteilles, on fait la blague. Le pull-up, je nettoie le flingueur. Le premier qui part, je l'étrangle. Le premier qui part, je l'étrangle. Tête de mort sur les fringues. Il n'y a pas que les portes qui sont blindées. Plata au plomo, comme P-A-B-L-O. Je m'endors près de Marbella. Je ne vis que pour Zeyo. Et t'as des copines coquines. Tiens, j'ai des copains coquins. T'es acheté de la nicotine. On n'aura jamais le nez dans la coca. Non, non, jamais, jamais, jamais. On n'aura jamais le nez dans la coca. On les écoute, mais c'est inaudible. Préviens tous les concurrents que Nazoya. Si je me souviens bien, si je me souviens bien, il m'appelait pas, y'a deux piges. Buzz, buzz, buzz, ça t'intéresse. Déterminé depuis l'utérus. Vodka, calage de russe. Toutes paroles seront tenues. Ma colère grandit chaque jour, mais y'a le shit qui l'atténue. Fils de pute, donne-moi ton nom. Ton adresse, tu vas finir tout nu. Ou dans le coffre, quand le casse-bélier fera des tonneaux. Tiens. Matrixé, je suis dans le vrai, je ne peux pas tricher. On touche la patate pas très cher. Viens nous voir, c'est la fin de Jean A. MLS dans les bacs depuis le 21 octobre. Va pécho, bâtard. Ouais, c'est mieux que t'ailles chercher. C'est mieux. Nice, on a pas besoin de courir, cousin. Voilà, dis-le. Si ça marche pas, on va courir. Donc ça marchera, évidemment. Bye bye, Banks. Bien sûr que ça va marcher. Bah là. C'est la première salve envoyée. Sky, Sky, Sky me reçoit. C'est un 2, un 2. Un 2, un 2, test, one shot. 2, je te reçois. 1000, c'est le projet qui est dans les bacs. Merci Nino pour cette nocturne. De rien, de rien. Merci à tous ceux qui étaient avec toi aussi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour l'avenir? Bah, du boulot, de la réussite, du succès, c'est tout ce qu'on veut. T'as vu, mettre à l'abri les parents et voilà, fin. Et bah, c'est tout ce que je te souhaite. Et donc, un prochain projet que t'imagines pour quoi? 2017 plutôt? On verra, il n'y a pas de date, que du concret. Que du concret. Que du concret. Bon, allez suivre Nino. Et je vous rappelle que dans les bacs maintenant, allez en profiter. MILS, MILS. MILS maintenant. Maintenant, ils le savent. Merci à toi. Merci à vous. Merci à toi, Nino. Passez une bonne soirée. La nocturne 100% rap français, ça continue maintenant. Planète rap. 100% rap français. Allez, la nocturne continue avec notre invité cette semaine. Zango. L'album est sorti aujourd'hui. Caresse. Zango. Et le morceau Nador maintenant dans la nocturne 100% rap français. Zango le gozo.

pense à un Mister Freeze. On a défoncé toutes les deux pour mon gang est rentré. Toujours frais, nouvelle basket comme le jour de la rentrée. Tu veux pas, cache ton don, ton verre à la Bill Cosby. Que des tacs, marquage musqué, t'as les tifosi. Voulez-vous coucher avec moi, avec Biatch, Biatch. Voulez-vous coucher avec moi, avec Biatch, Biatch. Voulez-vous coucher avec moi, avec Biatch, Biatch. Dans le même pack ou dans les bois, on est tous armés comme un Rio. Énervé comme Jackie Carrillo. Montre en or, cigarillo. Je n'ai peur que du très haut, que du très haut. Gucci man, I'm the fucking man, I'm the man, bitch. What you saying, what the fuck you saying, can't understand, bitch. Selling grounds, way from Birmingham to Amsterdam, bitch. How the hell the East Atlanta nigga land in Paris? Chopper in hand, and I'm going hell, my chopper blam, bitch. If you didn't come in here with Brick Squad, then you better scram quick. Got my own clothing line, call that shit Atlantic. In 1017, I own it on my own Atlantic. Excuse my French, I'm so fucking rich that I think I'm the shit. Got a shotgun and tucked in my trench, and I be going blitz. Say I'm insane, say I'm going crazy, I'm about to click. Say I'm sick, and I need a fix, and ain't that about a bitch. 30 grand, got that in my pocket, ain't that about a brick. Look at my neck, look at my wrist, I fucking think I'm slippery. And these folks keep on stalking me, I got them in a twist. If they try to give me 50 years, then I'ma jump the fence. Voulez-vous coucher avec moi, avec Biatch, Biatch. Voulez-vous coucher avec moi, avec Biatch, Biatch. Voulez-vous coucher avec moi, avec Biatch, Biatch. Dans le Maybach ou dans les bois, on est tous armés comme un Rio. Énervé comme Jackie Carrillo. Montre en or, cigarillo. Je n'ai peur que du très haut, que du très haut, que du très haut, que du très haut. Mon coupable, c'est mon pape. Si sera veut que je retourne au bled. Putain. Sur le pont du navire avec le FAMAS. On a retrouvé les corps à ma face. Tu es à gage, tu peux m'appeler le chacal. Des orages, c'est la saison des rafales. Tous ces forts noirs se croient à la mode. Tout cramé, ces négros sentent le KFC même à la morgue. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Okunia Kouri. L'album de Caris, vous retrouverez ce duo avec Gucci Mane à l'instant dans la nocturne 100% rap français. Dans un instant, tiens, je vous présente 6 nouveaux artistes. C'est l'Undertape. C'est le magazine R.A.P. qui fait ça. Il y a un CD disponible dans le magazine R.A.P. avec 6 nouveaux talents. Vous pouvez même voter pour l'un d'eux. Hein. Ça a été choisi par Mike Taylor, le parrain de cette édition. Je vous les présente dans un instant. Je vous les fais découvrir dans un instant et puis récupérer le magazine R.A.P. pour voter pour votre préféré. Sur Skyrock, le son, ça continue. Tiens, c'est notre invité de la semaine prochaine. À partir de lundi, il débarque dans Planète Rap entre 20h et 21h. Monsieur Kalash Criminel, Carré VIP. Toutes les bouteilles sur la bleuta. Des malatines dans les cordas. Des morts. on va tous béton pour peur d'armes. Ah ouais? Guyane, Renion, Madi, Nina, Guada. Entier sauvage. Tous mes sauvages dans le VIP. En bougeant, te bois, on est calibré. Et comme ton bigot, je te fais vibrer. Et comme ton bigot, je te fais vibrer. Va niquer ta mère la tempe. Le calibre est sur ta tempe. Dangereux comme ce vrai instant. 9-3. Ouais, mon gars, comment est-ce que il faut les gueux d'un quand je suis pas là. Ta goulant te bois, soirée de gala. Et le rap français, s'enculé par des mecs qui parlent lingala. Pas de sous, ils font que de la mala. Yako, Mona, Otala. 30 piges, j'ai tapé encore percé. Tikara, Pluka, Moussala. RAS. J'suis cagoulé même dans le carré vite. J'suis cagoulé même dans le carré vite. J'rends cagoulé même dans le carré vite. Y'a que mes sauvages dans le carré. Une balle dans la 2D, ça va très vite. Une balle dans la 2D, ça va très vite. On fait la guerre. Mais y'a personne qui profite. J'suis cagoulé même dans le carré vite. J'suis cagoulé même dans le carré vite. J'rends cagoulé même dans le carré vite. Y'a que mes sauvages dans le carré. Une balle dans la 2D, ça va très vite. Une balle dans la 2D, ça va très vite. On fait la guerre. Mais y'a personne qui profite. T'étais pas là quand il fallait taffer. Tu seras pas là le jour de paye. On passe notre temps à faire des sous. Tu passes ton temps à jouer à la play. Toujours avec mon gars bouffe dans des sales histoires, on est impliqué. Crois pas qu'on va te marier. Juste parce que tu sais twerker. Sauvagerie. Broly, Tascas, Dizibo d'Euro. Stepet, Sims, MAT, Mirmo. Maman est fière de moi. Ma famille est fière de moi. Mes sauvages sont fiers de moi. Crimi est fier de lui. J'suis cagoulé même dans le carré vite. J'suis cagoulé même dans le carré vite. J'rends cagoulé même dans le carré vite. Y'a que mes sauvages dans le carré. Une balle dans la 2D, ça va très vite. Une balle dans la 2D, ça va très vite. On fait la guerre. Mais y'a personne qui profite. J'suis cagoulé même dans le carré vite. J'suis cagoulé même dans le carré vite. J'rends cagoulé même dans le carré vite. Y'a que mes sauvages dans le carré. Une balle dans la 2D, ça va très vite. Une balle dans la 2D, ça va très vite. On fait la guerre. Mais y'a personne qui profite. Lundi 20h-21h et toute la semaine, il débarque dans Planète Rap. Kalash criminel à pas louper. Carré VIP, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Undertape, c'est un nouveau concept dans le magazine RAP choisi par Mac Taylor. Je vais vous présenter 6 nouveaux artistes. Vous pouvez vous voter d'ailleurs pour le meilleur, enfin celui que vous considérez comme le meilleur, avec le hashtag Undertape. Filons à Marseille maintenant. Il s'appelle YL, voici Espace-Temps. Extrait de l'Undertape du magazine RAP. Et après, il y aura Attilio avec son morceau Cesare Pacciotti. J'absorbe la fumée, le temps. Je sais pas, il est quelle heure, j'ai déjà perdu mon temps. Le mauvais s'abat sur le monde et la monnaie s'abat tous les notes. Il est 19h06 sur la montre. Si tu fais le calcul, ça fait 666 minutes. Mon checker passe à 66 minutes. YL fascine tes copines. Jeune et méchée dans la boutique. J'mitais ma traque télescopique. J'ai porté mes péchés pour porter du Gucci. Emportez vos déchets, mes potes sont éméchés. Ils sortent le 12 et se tapent pour des broutilles. J'suis dans le fond du bloc, mon gars, j'caresse le clock. J'nettoie les outils, hein. Voilà les notes de piano. Mes yeux incapables de chialer. Ma ville est fière de Luciano. Ma ville est fière de faire planer la France. Premier réseau de résine de cana. Plus d'une raison font résonner le canon. Aucune raison de faire signer vos ganaches. À la maison, je n'ai pas de femme, j'ai ma calache. J'prends des péchés, les anges, les notes. J'ai perdu mon âme. Je dois me dépêcher, je veux pas rater le coach. J'ai perdu mon time. Je regarde ma mère en détresse. J'ai pas le temps, faut que je buzz. Travaille le poignet, je regarde maman, tu es en stress. On se connaît pas, mais on connaît le tarot, je suis paro. J'ai perdu mon time. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai perdu mon time. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai perdu mon âme. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai perdu mon time. Je regarde ma montre, j'ai perdu mon le time. Le rebut est bien bâti, la hiberec. Du temps que dans ma tête, on est plus heureux qu'il y a des choses que je ne veux pas libérer. Regard au froid, sous les bérets, je fais la guerre aux fachos comme le Guevara. J'étais déjà en bas avant de savoir marcher. Et naturellement, comme tous mes collègues, j'ai appris à découper le savon de Marseille. En arrivant à se charger sur le périph, c'est là dans le coffre et mon pote est sur péri. Ah non, c'est terrible, tes rappeurs sont péris, mais pleurent pour une dérive. Je la ramène dans le bloc et quand je la ressors, elle me dit mon chéri, ramène-moi à la mairie. Mais dommage pour elle, je suis tombé amoureux d'un mouvement musical d'Amérique. Hey, voilà les notes de piano. Mes yeux incapables de chialer. Ma ville est fière de Luciano. Les petits sont fiers de Rafale. Merde, à 13 piges, j'y filme le fameux. Gramme de salade dans la Zano. Trace de Zetla sur les phalanges. La juge lui parle en année. Je prends des péchés, les anges, les notes. J'ai perdu mon âme. Je dois me dépêcher, je veux pas rater le coach. J'ai perdu mon time. Je regarde ma mère en détresse. J'ai pas le temps, faut que je buzz. Travaille le poignet, je regarde maman, tu es en stress. On se connaît pas. pas, mais on connaît le tarot, je suis barreau. J'ai perdu mon time. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai perdu mon time. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai perdu mon âme. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai perdu mon time. Je regarde ma montre, j'ai perdu mon time. Ramenez-les, mon arme elle est lourde et mon âme elle est sage. Je n'ai plus de code, je n'ai plus de cœur. Je ferai pleurer sa mère si mon ami est lâche. On veut pas de vos éloges, le Jack il est mort chez Chaîne 9. La vie elle est moche chez nous, on ferait tout pour du cash net. Gueule des terres sous le cache-nez, on se dirige vers le casino. Ha, on kick sa propre, t'écoutes pas mon son parce que tu kiffes la prod. Le talent de le buzz, le talent est rebelle, l'écurie est connu, c'est Bill Cabrod. Pas très sociable dans le fond de la classe, dans le fond de ma pensée. Quand je nique la prof, je la prends sur le bureau. Je lui mets tout dans le cul gros. La nocturne. Après Marseille, direction Fréjus, il s'appelle Attilio. Cesare Paciotti sur l'Undertape du magazine RAP. 1, 2, 2. Yo, le temps passe, l'habitude change pas. Et ça, je le réalise. Les faux amis, t'inquiète, je les vois. Je vais les rayer de la liste. Ils veulent nous tester, on les baisse. J'ai pas retourné ma veste. Du meilleur mais sans cesse. Tu te demandes c'est qui ce mec. Le temps passe, l'habitude change pas. Et ça je le réalise. Les faux amis t'inquiète, je les vois. Je vais les rayer de la liste. Ils veulent nous tester, on les baisse. J'ai pas retourné ma veste. Fils du meilleur mais sans cesse. Tu te demandes c'est qui ce mec. On part de rien, on veut le prestige. Faut garer le yacht sur une presqu'île. Passe à PH, 24 ans, tu es allé parti au tir. Rester soudé dans la merde comme les Mariotti. M'attendent de trois pétasses au bout du fil. Gêne trop puissant que des hommes dans la squadra. J'suis parti de la maison, maman se fait des films. Au journal un corps cube l'étoile, y'en a assez. J'peux plus voir toutes ces personnes qui se la pètent. J'en ai passé des soirées en voir où les bêtes sur bêtes. Suis-je bête? Mes parents pensent que j'perds la tête. Je suis pas rentré, ça fait 17 semaines, pense que je m'entête. Pas de manière sans arrêt, en équipe je galère dans des bendos sales. Marche arrière, marche arrière, marche arrière, marche arrière, y'a pas question de ça. Nique toutes tes putes, je ne pense qu'à percer. T'as senti quand de clip, la tendance je l'ai inversé. Dès le perso, percer, renverser les stats, on est pressé. J't'ai oppressé, mis la pression, tu t'es vexé, on veut encaisser. Garde le goût des bonnes choses, rafale de langouste pour t'annexer. Soit le bon Dieu, soit le bon qui va m'arrêter. Le temps passe, l'habitude change pas. Et ça je le réalise. Les faux amis t'inquiète, je les vois. Je vais les rayer de la liste. Ils veulent nous tester, on les baisse. J'ai pas retourné ma veste. Fils du meilleur, mais sans cesse. Tu te demandes c'est qui ce mec. Le temps passe, l'habitude change pas. Et ça je le réalise. Les faux amis t'inquiète, je les vois. Je vais les rayer de la liste. Ils veulent nous tester, on les baisse. J'ai pas retourné ma veste. Fils du meilleur mais sans cesse. Tu te demandes c'est qui ce mec. Toi tu penses qu'il t'aime bien, en fait il fait style. Quand t'es dans la merde tu vois ceux qui s'esquivent. Qui posé sur un banc, moi c'est ça mon côté festif. Tu m'entends pour la première fois, tu te demandes mais c'est qui ce type. Et là ça va vite, vite. Beaucoup de salopes veulent ma bite, bite. Pas les couilles des pics, pics. J'suis entouré de mon équipe, je les nique, nique. J'envoie des rimes qui t'assomment. Bébé les gars, 6h, ça meurt. J'ai la forme, la vitesse et la précision. Vivant clément parce que mes frérots puissent tout sortir en permission. Apprends à être honnête, c'est ta putain de mission. Toi t'es plein d'ambition, pas dans ma division. Apprendre à nous connaître, c'est une putain de mission. On est plein d'ambition, c'est des marques finition. Le temps passe, l'habitude change pas. Et ça je le réalise. Les faux amis t'inquiète, je les vois. Je vais les rayer de la liste. Ils veulent nous tester, on les baisse. J'ai pas retourné ma veste. Fils du meilleur mais sans cesse, tu te demandes c'est qui ce mec. Le temps passe, l'habitude change pas, et ça je le réalise. Les faux amis t'inquiète, je les vois, je vais les rayer de la liste. Ils veulent nous tester, on les baisse, j'ai pas retourné ma veste. Fils du meilleur mais sans cesse, tu te demandes c'est qui ce mec. Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit t'es à moi. Oh là non je plaisante pas, toutes les autres c'est du bla bla. Je ne veux pas finir par fréquenter tous ces genres de nana. Malgré tous les efforts, elle ne me croit pas. Donc je trace ma route, me pose plus de questions. J'ai pas sur les dis-moi direction, coup de crosse, tu veux la mettre à l'envers. Sans aucune raison, j'ai l'œil d'un sacré diamantaire, sous le regard de la pression. Laisse-moi qu'ai changé, j'en ai pas l'impression. J'pense aux Z1RS toujours coincé en prison. J'gamberge sur la juge, quelle sera sa décision? Pendant que je gratte des sons, ils me disent de m'y mettre à fond. Laisse-moi qu'ai changé, j'en ai pas l'impression. J'pense aux Z1RS toujours coincé en prison. J'gamberge sur la juge, quelle sera sa décision? Pendant que je gratte des sons, ils me disent de m'y mettre à fond. Fabré maintenant à découvrir du côté de Trap. Chant de blé, c'est son morceau. Yeah, yeah. C'est sur l'Undertape. Volume 1 est validé par Mike Tailleur. Je vais toujours rapper. Je m'en bats les couilles tant que je fais l'affaire. Je connais la guerre, je connais pas la paix. Je vois que le succès te monte à la tête. Je sais pas quoi faire, je vois les gens que j'aime. Devenir des faux, devenir des putains. Je fais les choses bien vu le temps que j'ai. Crois pas que la vie c'est le monter lutin. Madame la pute est venue me faire du pied. Mais nique sa mère, je prends du recul. C'est pas que je veux pas, je suis très occupé. Je bois un coup de foot, je vais me faire électrocuter. J'ai la rage, je n'ai pas l'idée. Je vais te frapper tellement fort, tu porteras la tête. Je fais un son, tu vas me pas l'idée. Comme d'habitude, je manque à l'appel. Depuis tout petit, tu restes amical. Un jour tu vas exploser comme un kamikaze. Ouais, sur le terrain on perd pas. Un cri de guerre à en faire péter les amygdales. Ramène-moi ce fumier, le négro est mort, il aperçoit la lumière. La fois c'est du coin, fume des gros pécos. Son mari le bouffon est un précoce. La cause arrive, on va surpeupler. Moi perso j'en suis sûr, toi t'es sûr de rien. Tu reviens de loin, je reviens du de blé. Je suis sur les champs, t'es sur les champs de blé. J'arrive en force comme une pénétration vaginale. Des fois je suis marginal. Laissez-moi juste faire les conditions. Ce soir je vous prends dans toutes les positions. Certains rappeurs font du MHD. Laissez-le tranquille, trouvez-vous un flow. J'ai la télé en full HD. J'fais mon pilon, j'regarde les infos. Interpé comme le groupe ou le tempé rose. Dans mon clip, une grosse bouteille à la main. Tu veux savoir combien elle fait en centimètres? Je vais pas baiser ta meuf, j'ai un centimètre. J'regarde les cieux, j'éteins le feu par le feu. J'me demande pourquoi par les deux. Les temps changent, c'est le deux. J'arrive en balle, ma petite violence. Quand tu suis des buts, n'hésite pas à mettre la gueulant. Même si c'est rouge, dépasse le feu. Un bout à cerveau sur le pneu. Fais mon toucher, c'est du mal à part. T'es tellement gaise que je n'ai pas la barre. La prochaine fois que tu suis, salope, fais le mieux. Viens par ici, j't'étrangle, c'est le nœud. 78 départements. Va-t'en d'ici, t'es pas à l'abri. J'me pose des questions sur l'appartement. Je suis sous peu, t'es sous ordonnance. La cause arrive, on va surpeupler. Moi perso, j'en suis sûr, toi t'es sûr de rien. Tu reviens de loin, je reviens du de blé. Je suis sur les champs, t'es sur les champs de blé. J'arrive en force comme une pénétration vaginale. Des fois, je suis marginal. Laissez-moi juste faire les conditions. Ce soir, je vous prends dans toutes les positions. C'est dans l'Undertape, l'Undertape, que vous pouvez retrouver tous ces nouveaux talents dénichés par Mike Tailleur. Vous pouvez même en élire un. Allez vous renseigner, c'est dans le magazine RAP. La Planète Rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. On file à Valenciennes maintenant avec un groupe DFZ featuring Mamad dans la Nocturne 100% rap français. Sens à ma vie, je rôde le soir tard dans la ville. Souvent je suis seul loin de mes amis. Qu'un mot essentiel c'est la famille. Manque de respect chez toi, on t'allume. Trois balles dans le corps, tu connais le tarif. Si tu touches à la mif, n'essaie pas de comprendre ce qui t'arrive. Je les vois qui salivent, on fait plus de sous que c'est pour ça qu'il y a rien. Un jour je me ferai descendre et je descendrai. J'ai le cœur réduit en cendres et le pouls qui s'emballe. Même si on se ressemble et qu'on s'émembre, plus rien de bon me semble qu'on finisse emblème. tête, plein la tête, plein la tête, je vis comme un gosse, je rêve. Je vis pour plus qu'on m'arrête, qu'on m'arrête, qu'on m'arrête, qu'on m'arrête, pris pour mater ma reine. Des projets plein la tête, plein la tête, plein la tête, plein la tête, je vis comme un gosse, je rêve. Je vis pour plus qu'on m'arrête, qu'on m'arrête, qu'on m'arrête, qu'on m'arrête, pris pour mater ma reine. J'ai appris à me relever après chacune de mes chutes. Mais il m'arrive de retomber après chacune de mes cuites. Chaque jour est fait de problèmes et je me dois de les surmonter. Alors on tisse pour oublier et on se dit que ça va passer. Je me perds dans les rues de ma ville. Dans cette vie je cherche le chemin. Ponce des alertes, je pars en vrille. Heureusement que j'ai mes frangins. C'est la merde. On le sait, mais que faire à part attendre? Vendre la verre pour du blé, prendre tout ce qu'il y a à prendre. Marre de cette vie de chien, marre de cette envie de chienne. Dans l'escalier, je me roule en joint, en entendant le bruit des sirènes. Je suis dans mon monde, un monde tellement noir que je vois plus mon nom. Quand je vois les billets en nombre, le savoir est une arme, ce que j'écris vous plombe. La mort est un jugement, on attend que ça tombe. La mort est un jugement, on attend que ça tombe. La mort est un jugement, on attend que ça tombe. Planète rap, 100% rap français. Allez, on retourne à Marseille. C'est l'Undertape à découvrir ce soir sur Skyrock dans la nocturne 100% rap français avec M'Kal maintenant. Marseille. J'avance dans le game, j'trace serein, personne à l'horizon. Le rap, j'le sème, t'inquiète, j'suis zen, me rage pas mon garçon. Me rage pas mon garçon. Depuis petit, j'voulais l'argent, l'argent du beurre et le beurre. Tu peux pas me rattraper, fallait le faire il y a longtemps. Foncez, pourtant c'est ce que j'vais faire, du rang mon jetra. Je sais que quand je rappe, y'a le jetane auprès de moi. On sait que tu veux me doubler, que tu parles dans mon dos flat. Je sais que si tu parles dans mon dos, c'est que t'es derrière moi. Des guns devant moi, tout le monde derrière, man. Ça vient des lettres, gars. Je veux être comme papa. Je sors de maman. Je sors de la peufra. Comme Made in Massa. Ça vient du 1-3. Ils veulent me rappeler, c'est tout en bas de leur semelle. Beaucoup de jaloux portent mon pilier, oui, sans le savoir. Mais s'il vous plaît, veuillez ne pas me déranger, les frères, j'enchaîne. Je suis assis sur mon trône, frérot, tu le sais, au KLM. Y'a la chicha, des gars, dis ensemble. Sans moi, le raptor, les gros, c'est montrer l'air, nous sommes les boss. Sortez tous les gros, je veux avoir les mêmes loves que Pablo. Spirit va faire de la Neymo, mon frérot, on va te faire la peau. J'mets le hella dans la zone. J'mets le hella dans la zone. J'mets le hella dans la zone. J'mets le hella dans la zone. Tu dis aux gens que tu me tends la perche. Mais vers le haut, je veux pas t'aider. Tu me dis, trouve ce que c'est le rap gay. Mais le rap gay m'a déjà trouvé. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Vois plutôt que je tease, mon frère, en pensant à toi. Tu es en pleine dans le bise, arrête tes sottises, arrête de dire que j'ai fait le pacte. C'est tout ce que c'est l'ami, ouais la fatigue, le rap n'est pas si facile que ça. Ouais pourtant c'est la vie, on est dans la mouise, faut que j'allume le contact. Il m'a dit Momo, t'es sûr de continuer? Je lui ai dit Péro, dans sa tête c'est rentré. Il m'a dit bravo, ouais t'as raison mon refrain. Va voir les sous Pablo, frérot faut continuer. Faut continuer, je vais pas m'arrêter. Même si je perds pas, je le fais pour dire play. Mon tel est rempli de textes de rap et je vais pas m'arrêter. Le rap m'a encore drogué. Ouais, je vais pas vous le cacher. un moment je voulais tout arrêter. Ouais la tête ils me l'ont touché, je montais qu'elle buzz va monter, mes ennemis m'appellent Roger. Y'a la chicha, des gars dit ensemble. Sans moi, le rap dans les gros, c'est montrer l'air, nous sommes les boss. Sortez tous les gros, j'veux avoir les mêmes love que Pablo. Spirit va faire de l'année, moment zéro, on va te faire la peau. J'mets le hella dans la zone. J'mets le hella dans la zone. J'mets le hella dans la zone. J'mets le hella dans la zone. Moha, va voir sur Marseille un peu, y'a plein de rappeurs, y'en a pas un qui peut t'aider? Ouais, c'est vrai. Moha, si tu veux savoir, frère, défonce tout tout seul. En avant, va dire Marsa. Planète Rap, 100% explicit lyrics. Et le dernier de cet Undertale. Monsieur Dorso qui est passé d'ailleurs cette semaine dans Planète Rap, il vient de la Courneuve. Corda 5. De gagner à la Courneuve en passant par Clichy. De mon femme à honneur en passant par Sevran. De Neuilly à Bondy en passant par Noisy. Toi c'est le grand, toi c'est le grand. De Bonpoche à Drancy en passant par Blancoc. 9-3 De Pontala au Père en passant par Tani. De Ville Pontala tremblé en passant par Fulton. Ils veulent tous faire des feats, m'envoyer des beats. Sortir un gros hit, ma maison du shit. Si tu as maintenant veulent juste s'asseoir sous ma bite. De gagner à la Courneuve, tu sais où j'habite. Eh, hey, bitch, c'est lui ton fils. J't'avais prévenu qu'il serait au bout de mon fils. J't'avais prévenu, fallait pas voir mon film. N'attends pas viendra à droite comme Gaël, mon fils. La peu dans le sac à dos. J'ai mélangé du lait avec du bido. Marseille était plus fort à l'époque de Mido. J'ai baisé ta tante parce qu'à mettre ses dents dans son Yamato. Hippoda, bélé, bélé, pas. Y'a que chez vous que la hague là ça paye pas. La tourne fait pas critique, y'a pas de compte Paypal. T'es clair comme la SETD. Radin comme la OJTD. Si ta meuf veut baiser sans potage, la punale lui transmet dans une MST. Quand je frappe, je tourne, j'en précise. Mon flow il sort du pressing. Mon talent, j'ai dû l'apprécier. T'allumerais ta mère même si t'es messie. De gagner à la Courneuve en passant par Clichy. De mon femme à honneur en passant par Sevran. De Neuilly à Bondy en passant par Noisy. Toi c'est le grand, toi c'est le grand. De Bonpoche à Drancy en passant par Blancoc. 9-3 De Pontala au Père en passant par Sani. De Ville Pontala Tremblay en passant par Fultaneux. Nocturne. Après cette belle sélection de l'Undertape du magazine RAP, on va repartir dans la Nocturne 100% rap français avec des artistes comme Gradure, comme Niro à écouter maintenant dans la Nocturne 100% rap français. Ça c'est le morceau de Gradure, Bigo sur Skyrock. Et puis je vous rappelle l'Undertape pour l'un des gagnants, allez suivre le magazine RAP R&B. Where is l'album de Gradure? Réponse le 25 novembre. Fourré comme un curé, shoot au buzzer, hein, comme Curie. Le savoir est une arme, faut que le furet. J'baisse la mère à François et sa politique. J'lui paye un smic s'il me taille une pipe. Narcotique semi-automatique. J'trafique le soir, j'suis narcoleptique. J'ai vu même des grands taffés pour des petits. On fume du shit, poteau, fuck le psy. Des dealers, des guetteurs, des gros, ils sont ratés en absence du collectif. J'amène Gova chez Colomb pour carwash. On n'oublie pas 400 ans d'esclavage. L'argent est sale comme ma peau, je vais blanchir chez Walter White à la station de lavage. Pendant le bigot a sonné, pendant le bigot a sonné, pendant le bigot a sonné, j'ai de retour, fils de pute, avant qu'il assume. Pendant le bigot a sonné, pendant le bigot a sonné, pendant le bigot a sonné, j'ai de retour, fils de pute, avant qu'il assume. J'ai un peu de chauffeur, je peux t'en donner. Il m'en reste aussi si tu veux te cogner. La vie de ma mère que des PD, ils t'oublient comme Julien une fois qu'ils ont percé. Les meufs en 2016 sont devenues trop malines. Elles reniflent les grossismes que la brigade canine. Bellette à Griselda Blanco, même les putes peuvent devenir reines du cartel de cocaïne. Si ma bite est dure, il faut que tu la suces. L'hiver est rude, mais l'alcool est russe. La chatte à Marine, je ferai pas de cunilingus. Elle crève d'un cancer de l'utérus. J'ai doublé ces MC, c'est dommage. Leurs ventes sont en baisse comme le chômage. 2-0-16, on les pèse que le rap français repose en paix, je lui rends hommage. Tes négros sont vrais comme des fournibars. Marche avec moi, stoppé, potom salis pas. Je viens d'Afrique comme la misère, je le renie pas. Maintenant tu sais pourquoi j'ai vidé le mini. Je vais baiser la mère de l'enfant de Wiz Khalifa. Ma bite dans du beurre, mon négro, je fais des galipettes. Je fais des galipettes. Pour allumer le calumet, son torpe, faut plus que des allumettes. Tu veux percer dans le mug et faut me sucer, fils de pute, y'a pas de remède. Pendant le bigot a sonné. Pendant le bigot a sonné. Pendant le bigot a sonné, j'ai de retour, fils de pute, avant qu'il assume. Pendant le bigot a sonné. Pendant le bigot a sonné. Pendant le bigot a sonné, j'ai de retour, fils de pute, avant qu'il assume. Pendant le bigot a sonné. Pendant le bigot a sonné. Pendant le bigot a sonné, j'ai de retour, fils de pute, avant qu'il assume. Pendant le bigot a sonné. Pendant le bigot a sonné. Pendant le bigot a sonné, j'ai de retour, fils de pute, avant qu'il assume. Planète Rap, 100% rap français. Maman t'avais raison. Ouais maman t'avais raison. Maman t'avais raison. Ouais maman t'avais raison. Maman t'avais raison. Ma mère m'a dit mon fils, le hasard n'existe pas. Avant mes premiers pas, je voulais marcher mais je pouvais pas. Je regarde les autres à l'école, fuir leurs parents comme la peste. Tout ce que je voulais c'était voir ma mère, mon père dans la même pièce. J'ai traîné pendant des années, solo dans les rues de ma ville. L'impression d'être condamné, vivre malheureux à vie. Mais voilà 10 ans après, devenu violent pour de vrai. Nos mères nous voient de loin, parce que le haram nous suit de près. À l'âge de 15 ou 16, une cinquantaine sur le banc. On allait dans leur cité pour tabasser leurs grands. C'était pas gratuit. En effet, le poteau s'est fait mêler. J'ai vu plus de violence dans la vraie vie qu'à la télé. Ce sera pas pour bricoler, si on doit sortir les outils. Mineur, on envoyait des gens dans le coma pour des broutilles. On a volé, on a bu crap, pas pour faire de la pub. J'ai grandi dans la sub, donc j'ai grandi dans la stup. Ouais, aveuglé par la fumée, j'ai vu le temps se consumer. Consommer pour me consoler, je rêve d'être riche au fond du trône. Mais je pensais à tout ce qu'on a raté, temps perdu sur le rindé. À regarder tous ces blindés passer en gros gamos vite teinté. Et à être d'avoir leur diplôme. Je rêvais de braquer la Brinks, acheter une ville à ma mère, mettre la famille à l'abri. Mais le réveil est brutal, gros. Ouais, le réveil est brutal, ma maman m'a dit c'est la vie. Dehors, je suis mieux qu'à la maison, mon sens y perd la raison. Il m'a dit je suis malheureux, j'étais mieux quand j'étais en prison. Et ainsi va la vie, je regarde les voitures brûler. Et je les brûle à mon tour pour dire au nom de se faire enculer. Dans le halal, on me regarde chelou, dans le haram, congratulé. On traînait tard entre loups, je voulais pas être adulé. Moi j'avais pas de père, pas de grand frère et pas de flingue. Maman, j'ai mes raisons, monter en l'air, c'est pas le train. Et j'ai du mal à m'raisonner, calcule pas n'importe qui. Il faut les gens les connaître, on sait qui a peur de qui. Boto, je leur ai pardonné. J'avais que mes couilles et mon schlasse, gros. Ouais, maman, t'avais raison. Maman t'avais raison, oui. Ouais, maman t'avais raison. Maman t'avais raison, yeah. Maman t'avais raison.

travail. Tradi, Oji, Zifu, Koro. Tradi, Oji, Zifu, Koro. Tradi, Oji, Zifu, Koro. Avec mes boucs, ça fume la drogue. Ah, baby, bitch, il peut pour dégainer un bolide d'occasse. J'suis un foot, rien à foutre. Every day sur le rinté, j'te parle pas de foot. Rien que ça fume, la drogue douce. Bébé, dire pas sur mon joint si tu tousses. Hey, hey. Bébé, va te refaire les fesses, pas le temps pour faire du squat. Elle a tellement mouillé quand j'ai les doigts dès que j'en ai les mains à moi. Zifu Koro des corombes, pourquoi il faut automatiser à l'icolo? Donc avec mes nègres dans le bleu, sa bibi, ça détaille les kilos. J'ai des gros doutes sur leurs histoires de calache. Je doute aussi qu'on soit plus beau devant un miroir de palace. Ma pauvre mère a fait une demande d'appât. Ça fait 5 ans que son dossier est dans un tiroir de paperasse. La France peut crier victoire, je m'arrache. Même si partir c'est mourir un peu, hélas. Par contre mourir c'est partir beaucoup, ma couillasse. C'est même disparaître de la surface. T-Max, Air Max, URH. Dis-moi qui a la couronne que je lui arrache. J'ai garé ma soucoupe dans les collines de Bugarache. Y'a eu un arrivage, passe-moi les clés du garage. So, plus je fais des punchlines, plus j'agace. Faux, pas croire tout ce que dit David, plus j'adasse. Show, on est victime de diffamation. Je suis beau garçon, je suis pas en taille pour les putas d'as. Mate mes mains, on dirait que j'ai été 10 fois maçon. L'argent n'a pas d'odeur, mais le placard ça pousse sa race. Si j'avais déjà la classe avec mes Cortez. J'envoie du lourd, t'es pas sorti de l'obèse. Je fais du rap de cours de promenade, pas de cours de collège. La chatte à Selena Gomez. T'as mal mais tu jouis comme une japonaise. Demande pas si je la connais, ça fait 2 mois que je la baise. À la prod c'est Martinez. De 2016, florilège de rap trop lèche. Baise les lavettes qui vont chez les Schmitt taillés ou bavettes. De mon époque, tu loupais le dernier train, y'avait pas de navette. J'ai pas de tablette, de choco, mes abdos c'est du flan. Bip Sartek, si tu portes ton cuir à la Fendi. Une main sur le Uzi, l'autre sur la zapette. Je laisserai aucun keuf cueillir comme une pâquerette. J'esquive le reps avec une galipette. Tellement proche de mon équipe qu'ils reconnaissent quand c'est moi qui pète. Je suis pas venu pour faire griser. La vie c'est pas la Super NES, on commence pas en appuyant sur reset. Je suis la cerise sur le space cake. Je demande pas d'être craint, je demande qu'on me respecte. J'ai rangé la chevalière dans son écrin. Pour en sortir le point d'estate, les you faut pas les aduler, faut en être un. Je compte plus les trains qu'on a brûlés et les mixtapes. Rich Chick, Barlou, Barlou, Barlou, Seb Geek. Yeah. Planète Rap, 100% rap français. Ce soir c'est quoi les bails, là je suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre, fais peur qui t'a fini en garde-af. Là je suis avec Abdoulaye, bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval, dites-moi c'est quoi les bails. Ce soir c'est quoi les bails, là je suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre, fais peur qui t'a fini en garde-af. Yves Baka ou Abdoulaye, bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval, dites-moi c'est quoi les bails. Mais bon j'étais bourré, donc j'ai pas pu rentrer. L'autrice est venue et m'a pété, ils ont voulu m'éventrer. Ils m'ont parlé de ce qui se passait vers le détroit Gibraltar. Je leur ai dit sur quoi. Pas de bâtard, il me reproche plus d'un Zodiac. J'suis pas armé d'un Moonjack. J'ai les yeux plissés comme Bruce Lee. À ce si j'suis sous Jack. J'vois que l'autre Chris la PRB. La guarde est vraiment teubée. Tout Malaga à Saint-Tropez. S'envoie des tonnes de dopés. Holiday c'est l'air coupé. La police du Maroc s'en bat les couilles tant que tu rac. Chef contrôle 200 dira. Me parle pas de liberté, d'égalité va te faire niquer. La jeunesse est broliquée. Ok, ce soir c'est quoi les bails, là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre, fait peur qui t'a fini en garde-af. Là j'suis avec Abdoulaye, bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval, dites-moi c'est quoi les bails. Ce soir c'est quoi les bails, là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre, fait peur qui t'a fini en garde-af. Yves Baka ou Abdoulaye, bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval, dites-moi. C'est quoi les boys. Étant jeune on est tous passés par Bois d'Arcy ou Fleury. On a grandi, on s'habitue chez Versace ou Burberry. Faut que le chaos et sa théorie. J'ai un petit air Thierry Henry. Roule un petit air et Henry. J'suis hors catégorie. L'argent m'a pas pourri. J'pourrais caler pour Yves, pour Baka ou pour Sambou. J'suis un soirée tout risque. J'les baisse. Nique sa mère la police. Dilem sur la pelotade. Donc pépère j'm'alcoolise. Le parc il était flottant. Donc fallait bien que j'glisse. Y'avait l'octrice et le 36. Donc fallait que j'm'éclipse. C'était pas les clips et les bleus. C'était les riches et les pauvres. À Fleury. Il fallait 5 cyclopes le lundi pour être au top. J'ai appris que face à l'ennemi faut pas arriver que ganté. Faut le terminer à 4 potes, al dente. Les forêts de sa mère derrière les vitres teintées. Y'a plus le temps de liker ni de commenter. Ce soir c'est quoi les bails, là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre, fait peur qui t'a fini en garde-af. Là j'suis avec Abdoulaye, bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval, dites-moi c'est quoi les bails. Ce soir c'est quoi les bails, là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre, fait peur qui t'a fini en garde-af. Yves Baka ou Abdoulaye, bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval, dites-moi c'est quoi les bails. Place des TF le 19, et le poteau gaz ton pilote. J'crame pas de place, tout le monde sait me pousser par 300 kilos. Ils me disaient wesh, poteau you, faut pas finir alcoolo. Calme un peu donc l'alcool, termine pas comme c'est clodo. Clopinel 1143, Glock Beretta, t'arrêtes pas une tonne et demi. Taoué m'arrête trop pas, le détail passe en jet ski. Le grave passe en paquebot. Inquiète à ma Abdelhamid, il est plus coté que Pablo. Bah ouais, il brasse des milliards, s'en bat les couilles d'être Pablo. Il a 4 femmes, 15 hectares, plein de chevaux sous le capot. Ferrari, Lamborghini, fuck les keufs de Bobini. Il tire dans le mille, il t'élimine, avec lui c'est jamais fini. Ce soir c'est quoi les bails, là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre, fait peur qui t'a fini en garde-af. Là j'suis avec Abdoulaye, bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval, dites-moi c'est quoi les bails. Ce soir c'est quoi les bails, là j'suis pas là pour banaf. Ça fait la guerre, fait peur qui t'a fini en garde-af. Yves Baka ou Abdoulaye, bientôt se barre à Dubaï. Belleville, Rébéval, dites-moi c'est quoi les bails. La Nocturne. À découvrir Pince et Dimé dans La Nocturne. T'invite ou t'évites. Bon, allô. Eh, hey, j'ai un plafond de dingue. quoi. Et sors tout de suite mon gars, voilà, tu vas pas regretter ma gueule. Voilà. Ouais ouais, ça me tourne pas, je suis là. Vas-y, j'arrive. Parlez tout de suite, man, ta vie, tout est bien. Parlez tout de suite, man, ta vie, tout est bien. Ta vie, tout est vite, ouais, ta vie, tout est bien. Ta vie, tout est vite, man, ta vie, tout est bien. Quand ça part de lever, tu prends la fuite. Bébé, toi après, rejoins-moi dans la suite. C'est la bouche, tu vas finir et RSV. On se trompe à la tête et la table est réservée. La bécane est cabrée, la meuf est cambrée. Va voir dans la boîte à gants, y'a quoi te faire câbler. Pin c'est dit mais c'est sur tes coudes. Hey, pin c'est dit mais c'est sur tes coudes. Là sur mes morts que je suis sur tes côtes. J'ai look ton gros boule, ouais c'est sur tes cool. Look la loca, vas-y look la loca. Approche la loca, approche la loca. C'est une histoire de lover, pas une histoire de lova. Vas-y va la lever avant qu'on s'en aille. Pleut des rimes, prévois ton Amber est là. T'as vu son boule de dos, tu t'es dit Amber est là. Ce soir on sort, je me fais mon cocktail. Si tu sais pas où finir, il reste de l'hôtel. J'ai malias bien calé. Je vais me tuer au rosé. Graine de café, na chemise Versace. Pieds au plancher, j'ai loué, je vais le camper. T'habilles pas trop sexy, tu vas te faire violer. On se casse de là, j'ai tout belle à Malaga. Là, j'suis avec mes gars, tout est vite, on les amène gras. T'as vite, tout est vite, ouais, t'as vite, tout est vite. Quand ça parle de l'OV, tu prends la fuite. T'as vite, tout est vite, man, t'as vite, tout est vite. T'étais toi fraîche, rejoins-moi dans la suite. Quand ça parle de l'OV, tu prends la fuite. Vas-y, casse-toi de là. Bébé, fais-toi fraîche, rejoins-moi dans la suite. Place là. On avance dans le peura, un petit poids, ton regard en dit long. Un flash de vodka, de la bleue, du pilon. Faut trouver le filon pour sortir de la merde. On taffe pas, nous, pour les sous, on se démerde. J'ai des tas de fer en zombie. Ça endurcit ou tu sors en zombie. Dis mes pins, gros, c'est pas fini. Si chargé et ta meuf, on viendra la guédra. Tu crains la rafale, même si tu sais le péta. Dis mes j'suis faillard, ou un péta. La semaine fatiguée, on est tous des fêtards. Comme Kirikou, j'ai mes païens discrets. Cherche droit chemin, y'a ta meuf qui me distrait. Boîtier Renault, j'rentre ton adresse. 5h du matin, dis ciao à ta caisse. Faut qu'on se casse de là, j'claque tout bénéf à Malaga. Là, j'suis avec mes gars, tout est vite, sont les armes écras. T'as vite, tout est vite, ouais, t'as vite, tout est vite. Quand ça parle de l'OV, tu prends la fuite. T'as vite, tout est vite, man, t'as vite, tout est vite. Devais toi fraîche, rejoins-moi dans la suite. Quand ça part de lever, tu prends la fuite. Vas-y, casse-toi de là. Bébé, fais-toi fraîche, rejoins-moi dans la suite. On est en place là. T'as vite, tout est vite, ouais, t'as vite, tout est vite. Quand ça parle de lever, tu prends la fuite. T'as vite, tout est vite, man, t'as vite, tout est vite. Bébé, fais-toi fraîche, rejoins-moi dans la suite. Quand ça parle de lever, tu prends la fuite. Vas-y, casse-toi de là. Bébé, fais-toi fraîche, rejoins-moi dans la suite. On est en place là. Vas-y, casse-toi de là. On est en place là. Planète rap, 100% rap français. Et tout le monde fait ouais ouais ouais ouais ouais ouais. La la la la la la. Oulou loulou loulou. Boum boum boum boum boum. J'quitte le poche, m'en bats les couilles. Ouais ouais ouais ouais ouais. J'la charge en Vespa. La la la la la la. Bouteille de Belvedere. Oulou loulou loulou. Et j'ai croisé mon père. J'suis trop terre-terre, j'ai du coton dans le sang. On est comme des petits pits frérot, nous on lâche pas le coup. J'ai pris de mon grand frère à ce qui paraît, j'ai la même tête. J'veux toujours dernier mot, j'ai un drôle de caractère. Qu'est-ce que t'as, tu m'aimes vendre des trous, j'quitte mon poche, j'm'en bats les couilles. Qui veut t'être, j'lui crache des douilles, j'passerai jamais à la fouille. J'suis à la tour 1, j'vais à la tour 2. Récupérer Youssef et on se taille à la tour 3. 350 en shit, 250 en bœuf. Juste après, j'm'en caler avec une gadi à la tour 4. J'suis piqué du Tupac, j'suis pété, ouais, sous Jack. Avec les coupards, j'ai une tête coupable. J'suis à la K1. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'vais à la K2. Boum, boum, boum, boum. Récupérer la frappe. Ouais, ouais, ouais, ouais. Dans le pochon bleu. Ouloulou. Je ferai de la tête aux pieds, le videur veut me pointer. J'sors un violet, là, il veut me laisser rentrer. Toutes les gadjis me regardent de travers. Y'aura rien pour eux, moi, j'suis pas leur père. Oh, mamacita, oh, mamacita. J'suis pas en voiture, j'te charge en Vespa. Fais pas la bandeuse, ne me dis pas que je rappe bien, ouais, garde pour toi. Ne t'éminique pas, ne t'éminique pas. Y'a que les seins dans la pièce, ouais, tu veux que je cache quoi. Ce soir en Saint-Jaï, ouais, ce soir en Tanjaï. Bouteille de Belvedere, je ne bois pas de champagne. J'suis rentré de travers. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et j'ai croisé mon père. Boum, boum, boum, boum. J'suis rentré à l'hosto. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et il veut j'en trop bled. Oulou, loulou, loulou. Et tout le monde fait. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. La, la, la, la, la, la. Oulou, loulou, loulou. Boum, boum, boum, boum, boum, boum. En vrai, j'ai